suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Ménopause pour tout le monde, une série de Perrine Kervran réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a la fameuse horloge biologique et la peur, le dégoût, le mystère ou la romantisation de ce qui n'est qu'une étape parmi d'autres dont on sait finalement trop peu de choses. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice qui cherche des livres, une autre qui se sent sereine, une femme libérée, une autre qui en a bavé, une écrivaine profondément légère, une femme qui se choisit, d'autres qui en rient et des corps chauds qui chantent. Ensuite, le décor. La comédie musicale, l'intimité, la plage, les fenêtres ouvertes, des supermarchés, le sang qui fait des siennes, la maison des femmes de Montreuil, le centre de santé des Francs-Moisins à Saint-Denis, des livres et des chansons. Aujourd'hui, premier épisode, introspection. Ce sujet de la ménopause, ça fait 10 ans que j'y pense. Et je me souviens très bien de la première fois où on me l'a refusé. Ah non mais t'es folle, tu vas dégoûter tout le monde. Moi, j'étais persuadée du contraire. Je me sentais investie d'une mission. Évidemment, je sais maintenant que j'avais tort. Oui, bon, ça va, j'ai compris, ça dégoûte tout le monde, d'accord. Et je me retrouve à y travailler maintenant, alors que j'ai 46 ans, et que la nuit, quand je me réveille en sueur, je me demande si c'est ça. J'ai chaud. Que quand j'ai la bouche sèche, je me demande aussi si c'est ça. Que quand je m'énerve, je me demande si c'est ça. Ça m'énerve tellement, ce truc. Quand j'ai mal aux articulations, là aussi, je me demande si c'est ça, ou bien quand je cherche un mot, bim, c'est sûr, c'est la ménopause. Mais si, tu sais, cet acteur-là qui joue dans ce film-là, mais si, tu vois. Et si j'ai un vertige, alors là, ça devient carrément une certitude. Là, c'est sûr, c'est ça, j'en suis sûre. Le moindre truc, la plus petite manifestation, et puis c'est toujours dans la liste des symptômes. C'est comme les listes d'effets secondaires, on n'est jamais déçu. Alors qu'en plus, la ménopause, ça fait 15 ans que ça me fait fantasmer. Ne plus avoir ses règles, ne plus risquer de tomber enceinte, voir les enfants grandir, retrouver ma liberté. Mais c'est pas la seule contradiction, parce que malgré tout le féminisme répété comme un mantra, sororité, patriarcat, hétéronormativité... Du coup, me voilà plongée dans les affres. Teindre ou ne pas teindre mes cheveux blancs, avoir l'air de refuser de vieillir ou avoir l'air de ma grand-mère. Chaussettes à paillettes. Non mais franchement, là, c'est pas possible. Et puis surtout, je me raconte avec trop d'indulgence l'histoire de la fille qui assume ses cheveux gris, alors qu'en fait, c'est juste la mode. Un jour, j'étais partie au bord de la mer, dans le sud de la France. Je suis sortie de l'eau, j'ai vu ce blanc là sur ma tête. Et vous savez, quand on a les cheveux mouillés, ils ont un peu un autre aspect. Et il faisait beau, il y avait le soleil. Et le soleil est arrivé sur ces petites racines, mais il y en avait quelques millimètres. J'ai regardé ça et je me suis dit, mais c'est beau en fait. Je me souviens, j'ai pensé, on dirait des sardines. Et à partir de là, j'ai décidé d'essayer de laisser venir ce blanc. Mais j'ai quand même eu une idée. Les femmes qui entament leur ménopause aujourd'hui, elles avaient 15 ans dans les années 80. Et elles dansaient sur Indochine, The Cure, Depeche Mode, Dao, Madonna ou Lerita. Alors pour parler de la ménopause et rester glamour, la seule solution, c'est la comédie musicale. Ça fait pétiller même la tragédie. Charme n'agit plus. S'userait-il ? Je vieillis. Mais les femmes ne vieillissent pas. C'est vrai, j'avais oublié. Et puis il y a cette phrase que je rejette, mais qui me hante, une phrase interdite aux authentiques féministes. Mais qui me trotte tellement dans la tête, comme si j'avais la conscience de Barbie en personne qui me chuchotait à l'oreille. Vous avez un nouveau message. Non mais franchement, tu dois pas te laisser aller, hein. Bref, je nage dans les injonctions contradictoires. Et c'est un peu drôle, c'est vrai, mais je sais, c'est moche. C'est un peu drôle, mais surtout, c'est moche. Mais au moins, je ne suis pas toute seule. Avant d'être perçu, notre corps parle une langue crue de chair, de corne et de flux. Toi qui te mates au reflet de nos peaux, Ménopause, tralala, chantons sous la ménopause. Que nous sommes l'autre et que l'autre nous se fond. Pour moi, invisible, c'est le bon mot parce que c'est comme si il n'y avait pas de substance dans le regard de la société, s'entend. Chloé Delhomme, autrice. Et la femme de 45 ans, 46, 48, 50, elle n'a pas vraiment de place identifiée dans la société. Moi, je me suis retrouvée sur le marché du célibat assez tardivement, à 46 en fait. Après, il y a aussi des modifications corporelles. Par rapport à la trentaine, j'ai pris considérablement du poids. Et j'ai assisté à des scènes, que ce soit moi ou mes amis qui étaient dans le même cas, où il y a le poids de la concurrence qui est très très rude. Mais on est surtout en concurrence avec des plus jeunes aussi. Et je trouve ça difficile, parce qu'encore une fois, on n'est pas préparé. On est préparé à plein de stades, à plein de mythes. On est préparé plus à la vieillesse aussi, à la perspective de la vieille dame indigne. Il y a des choses qui peuvent être un peu excitantes. La femme de 45 ans, c'est comme si elle était un peu terne, un peu pas là, un peu invisibilisée, quoi. Les femmes de 45 ans, c'est comme si elles étaient un peu ternes, un peu pas là, un peu, je sais pas, un peu invisibilisées, quoi. On n'y croit pas tant qu'on l'a pas éprouvé soi-même, mais le jour où on prend conscience que les regards, alors selon qu'on est attiré par des hommes ou des femmes, peu importe, mais que les regards des autres sujets de désir ne se pose plus sur vous et glisse en quelque sorte à la surface de votre apparence, c'est une expérience qui peut pas laisser indifférent. Camille Froide-Vaumétrie, philosophe. Je me suis rendu compte que les hommes qui continuaient de me regarder, c'était des hommes qui avaient soit mon âge et plus, en dessous plus du tout. Alors que je sais très bien qu'un homme de 50 ans continue d'être regardé par des femmes d'à peu près tous les âges. Et ça, par exemple, c'est un indicateur frappant et choquant, hein, de ce que nous considérons comme un beau corps féminin, c'est nécessairement un corps jeune, hein, alors qu'un beau corps ou un bel être masculin, peu importe son âge. J'ai bien senti qu'après 48 ans environ, je me reconnaissais nulle part. Sonia, de la chorale des Hot Bodies. J'ai l'impression de ne pas exister socialement, publiquement, médiatiquement, et de jamais se retrouver ni dans les films, ni dans les séries, la culture télévisuelle, la pop culture, la musique, de jamais se retrouver nulle part, sauf dans des rôles de grand-mère, éventuellement dans le cinéma, à la télévision, ça me choque. Ça me choque en sachant qu'une femme majeure sur deux a plus de 50 ans aujourd'hui, donc on est très nombreuses, et on passe sous silence totalement notre existence. On est très nombreuses. Et on passe sous silence. On est très nombreuses. Nous avons cette caractéristique en tant que femme d'exister aux yeux du monde en tant que corps. Notre rapport aux autres et au monde, il est nécessairement incarné. Notre existence est déterminée par notre corporéité. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avons pas de corps. Eh bien, les hommes, eux, si. Ils peuvent tout à fait vivre, notamment dans le monde professionnel, comme s'ils n'avaient pas de corps. Par exemple, ils peuvent tout à fait vivre comme s'ils n'avaient pas d'enfants. Et puis, ils vivent aussi tout à fait bien le fait qu'ils vieillissent, puisque c'est chargé positivement, alors que ça l'est négativement pour les femmes. Donc, l'invisibilisation, elle renvoie, en fait, à ce fardeau qui est celui des femmes, que de ne pas pouvoir faire autrement que de se présenter aux autres, dans un corps et comme un corps, en quelque sorte. Quand je me teignais les cheveux et que je voyais des femmes aux cheveux blancs, je ne les comprenais pas. Sophie Fontanelle, autrice d'Une apparition. Une fois à Rome, j'ai vu passer une femme avec une robe avec un dos nu croisé, des espadrilles, et elle a les cheveux tout blancs, blancs comme de la neige, et elle était splendide. Et ses bras n'étaient pas tout jeunes. Je dirais que c'était une femme qui devait avoir dans les 55 ans. Elle a été une apparition. La deuxième apparition, c'était à Hydra, où il y a une bande de femmes qui ont dû être des hippies et qui maintenant ont les cheveux longs et blancs. Elles doivent être nordiques, ces femmes-là. Et un jour, elles sont arrivées à la plage dans des espèces de tenues un peu pastel, complètement cool, quoi, complètement heureuses. Elles sont allées nager. Et là, c'est pour ça que c'est important, j'étais avec un homme qui les regardait captivés. Et je lui ai dit, elles sont belles, hein. Et il m'a dit, mais c'est dingue, on dirait des sirènes. Donc, il les avait vues. Moi, je me suis dit, un peu aidée par la femme qui me coupait les cheveux, si tu laisses apparaître tes cheveux progressivement, tu vas apparaître progressivement. En fait, au fur et à mesure où le blanc apparaît, il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur la tête. Il y a de la lumière qui arrive sur la tête. Donc, cette lumière, moi, elle m'a sauvé la vie, en fait. C'est vraiment dingue, on dirait des sirènes. Mais c'est vraiment dingue, on dirait des sirènes. Mais c'est dingue, on dirait des sirènes. J'avais 53 ans, j'étais directrice adjointe de la rédaction du journal Elle. De fait, j'avais un statut. Qui dit statut dit que quand une nouvelle directrice de la rédaction est arrivée, bah cette femme-là, elle ne voulait pas de moi. Et donc, j'ai été licenciée, en fait. Ce moment a été assorti de phrases qui, au lieu de me faire plonger dans la déprime, m'ont fait éclore. On m'a dit, à ton âge, peut-être que les gens, les femmes, en fait, elles désirent plus, en fait, être en lien avec une femme comme toi. Peut-être que quand tu écris, elles se retrouvent plus dans ce que tu dis. Et je trouvais ça tellement bête. Et puis, elles m'ont dit que j'avais vieilli, en fait. Et ben voilà, un mois plus tard, je laissais pousser mes cheveux blancs. Il existe une chose qui est l'agisme, et ça existe dans le monde économique. Élise Thiébaud, autrice. La société, elle est faite pour des standards, et donc il y a un certain moment où on est, entre guillemets, dans le standard. Et moi, je l'étais doublement, parce que en plus, doublement ou triplement, parce que je appartiens à la classe moyenne, parce que je suis blanche, parce que, voilà, ça faisait que j'étais dans ce cercle magique où j'étais plus légitime. Donc, ce à quoi j'ai dû renoncer, c'est à être aussi légitime et aussi centrale que je l'avais été. Je crois que ma génération des femmes quinquagénaires, c'est la génération qui doit réinventer la cinquantaine. Nous vieillissons longtemps, nous vivons longtemps, et donc nous avons un espace de temps, de vie, d'action réelle, et donc il faut que nous nous rendions nous visibles dans le monde social en tant que sujet agissant, réfléchissant, aimant, comme le sont les hommes et comme continuent de l'être les hommes toujours. Nous vieillissons longtemps, nous vivons longtemps, rendons-nous visibles dans le monde. Agissons, réfléchissons, aimons, nous vieillissons longtemps. Ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, la façon dont les hommes pensent le temps et dont ils pensent leur propre âge. Il y a un livre de l'anthropologue Marc Auger qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « Une ethnologie de soi » et qui est sous-titré « Le temps sans âge ». Et dans ce livre, il est récent, Marc Auger, qui a plus de 80 ans, raconte comment, presque soudainement, autour de 80 ans, il réalise qu'il est vieux, parce que notamment, il observe qu'autour de lui, ses amis meurent. Comme si, tout d'un coup, il prenait conscience qu'il avait vieilli. Et ce sous-titre qu'il donne à son livre, « Le temps sans âge », c'est pour moi vraiment le résumé parfait de ce qu'est le vieillissement pour les hommes, c'est-à-dire en fait quelque chose d'exotique qu'on observe de loin mais qui ne les concerne pas. Et le problème, c'est que la société nourrit ce sentiment de façon assez évidente. Je dirais que pour les femmes, au contraire, nous sommes dans un temps dans l'âge. Nous avons dans l'existence féminine un certain nombre de bouleversements corporels qui viennent scander le déroulement de notre vie. Ils surviennent de façon un petit peu soudaine, comme les premières règles par exemple, ou comme la première fois dans la vie sexuelle, ou comme une première maternité. Et puis une fois qu'ils ont surgi, eh bien, ils modifient notre existence de façon définitive. Et donc ces bouleversements corporels qui rythment nos vies produisent, je crois, une conscience plus aiguë chez les femmes du temps qui passe, et rendue plus aiguë encore par le tournant de la ménopause, parce que là, il y a quelque chose qui vient signifier que, eh bien, on entre dans la dernière partie de sa vie, une phase de notre existence aussi, dont nous savons qu'elle avance vers son terme. je me suis dit, attention, prise de conscience de la question de la vie et de la mort, on est mortel, et là, ça arrive très vite autour de moi, qu'est-ce qui se passe? C'est cette prise de conscience aussi là qui m'a recentrée sur mon corps et ma santé. Alors c'est très simple, je n'en savais rien. Et d'ailleurs, comme je ne savais rien de mes règles avant de les avoir, ou très peu, comme j'ai très peu su sur mon propre corps pendant très longtemps, et puis évidemment, j'ai connu cette longue période que connaissent beaucoup de personnes qui entrent dans ce processus de la ménopause, c'est que ça a pris très longtemps et ça a commencé très tôt. Les premiers signes sont arrivés vers 44 ans dans mon cas et j'ai été totalement ménopausée à 53 ans, donc ça a pris quand même 9 ans. Et pendant très longtemps, quand j'évoquais cette question avec les gynécos, ils me disaient « mais non, vous êtes beaucoup trop jeune », comme s'il s'agissait davantage de me rassurer sur mon âge que d'écouter ce que je vivais et de m'aider éventuellement à le vivre mieux. Je sais que j'ai eu assez tôt, ça a commencé, je dirais, vers 46 ans, des bouffées de chaleur, des difficultés à dormir, et que je m'inquiétais parce que je pensais que j'étais malade, alors qu'en fait, j'étais en train de vivre quelque chose qui était relativement normal. Donc, je n'en savais rien, et de surcroît, on me mentait. On ne me disait pas ça parce qu'on présupposait que ça me serait pénible d'entendre dire que je vivais quelque chose qui allait amener à la ménopause. J'avais pas d'image parce que je me projetais très peu. Du coup, je découvre au fur et à mesure en n'ayant pas. Et puis, j'ai plus ma mère et plus ma grand-mère et pas de modèles familiaux. Et non, moi, j'accepte le truc avec plutôt soulagement, en fait. Faut dire que j'avais tellement mal au ventre quand j'avais mes règles, je tombais dans les pommes, j'étais incapable de travailler 3 jours par mois. C'est énorme comme manque à gagner sur une année. C'est quelque chose qu'on peut pas dire parce que du coup, ah bah oui, alors dans ces cas-là, si c'est douloureux et que 3 jours par mois t'es bonne à rien, bah dans ce cas-là, les femmes, elles peuvent pas avoir des postes d'hommes, elles peuvent pas faire de politique et patati et patata. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on refoule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis très contente de ne plus avoir affaire à... Et puis les syndromes prémenstruels qui vous mettent d'une humeur de dog, à pleurer devant une publicité, enfin c'est quand même épouvantable. Donc, et puis moi, c'est vrai que plus je me tiens éloignée de l'organique, mieux je me porte. Les syndromes prémenstruels qui vous mettent d'humeur à pleurer devant une publicité. Attention aux brumes, les brumes comptent pas pour des brumes. Attention aux brumes. Oui, ça fait longtemps. Bonjour tout le monde. Elle t'a pas appelé? Vous allez bien, les filles? Ça va, vas-y, vas-y. Centre de santé de Saint-Denis. Mais avant la ménopause, du coup, vous saviez ce qui allait se passer? Comment ça allait se passer? Les bouffées de chaleur, le changement dans le désir? Non, mais moi, je sais, mes parents, quand j'en ai parlé, je voyais que ma mère avait chaud, elle faisait ça comme ça, mais on savait pas. Elle m'aurait dit ça, je ne savais pas. Mais elle m'a jamais dit. Un beau jour, j'étais à Carrefour avec ma fille. J'étais en train de faire des courses avec elle. J'ai senti une chaleur sur moi. J'étais à Béatrice. Je peux plus. Je sentais le linge, il fallait que je retire sur moi. Il m'a dit, maman, va dehors. La ménopause, sors. Je suis sortie pour prendre l'air. Hein? Et après un bon moment, je suis entrée et on a fait notre course normale. C'est vrai. Si je pouvais trouver une piscine pour entrer dedans, je l'aurais fait. Plonger, parce que je pouvais... Plus garder rien. C'est ta fille qui t'a dit c'est la ménopause. C'est ma fille qui m'a dit c'est la ménopause. Je ne connaissais pas ça. Mais la preuve, jusqu'à maintenant, j'ai des bouffées de chaleur. Non, quand les gens me disent qu'ils ont la ménopause, je dis bon courage à vous. Moi aussi, je suis ménopausée, ça fait 3 ans. Il y a beaucoup de bouffées de chaleur. Des fois, il y a une crise qui me tenir. Enfin, j'ai comme l'angoisse, je ne sais pas. Des fois, j'ai mal au dos, des fois, ça dépend. Aïe, aïe, aïe. Sen de liesse. Voilà, sen de liesse en arabe. راني ما بقيتش تجيني الدم، ما عنديش الدم، ما عندي، راني فاتيغي، راني عيانه، راني يعني يعني فوالا اللي بارتي فيها لك العرق، عرقت، عرقانه عرقانه عرقانه. يا بولا سونسي الفرنسي بون فوتش خلاص. فوالا باستا باستا باستا. سي اوت شوز، c'est une chose en bambara, ils disent genre tu vois plus tes règles. Oui, dans ta, dans la langue, dans la langue, c'est ça, dans la langue ils disent atekoli est là, mais entre vieux ils savent, ils ont des signes quand ça arrive, ils comprennent ce qui arrive à l'autre, mais il n'y a pas de signification pour dire t'as bouffé de chaleur ou machin. Quand ils voient l'autre qui est en train de s'éventer avec l'éventail, du coup l'autre il dit ah elle a l'âge. Moi, je refusais d'aller chez les gens parce que mon mari avait fabriqué un petit éventail électrique. On avait mis une petite pile et j'appuyais dessus. Donc, comme j'allais chez les gens, il me fallait ça ou bien il fallait que je sois à poil. Alors, j'allais chez personne. Donc, je restais chez moi avec mon petit truc toute la journée. Si j'avais pu trouver une piscine plongée dedans, je l'aurais fait, je ne pouvais plus supporter les vêtements sur moi. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? La première fois que j'ai eu un bouffée de chaleur, je me suis dit « Oh, je dois être malade, je dois avoir la grippe ou quelque chose » parce que tout d'un coup, j'avais cette chaleur. C'est quelque chose qui submerge un peu, quelque chose qui monte et qui prend un peu la tête, qui surgit dans le regard des autres avec beaucoup d'étonnement. C'est assez étrange. Je ne vais pas dans des ascenseurs, je ne rentre pas dans des trucs fermés, clos. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'être à l'air, j'ai besoin de lumière. J'ai changé ma façon de m'habiller, c'est-à-dire que je mets plusieurs couches. Je ne mets plus des pulls à col roulé, c'est plus possible. Je mets plusieurs couches, ça va du t-shirt à la petite veste, la chemise, le manteau, l'écharpe, la. La bouffée de chaleur, c'est une sensation très intéressante. C'est plutôt comme si tu étouffais. Tu sens une chaleur irradiée à l'intérieur de toi. Moi, je peux dire même quand ça va m'arriver. Je peux le prédire quelques secondes avant que ça monte, comme une intuition un peu étrange, à peine une sensation. C'est dans ma tête et je sais que ça va arriver. Darcy Steinke, autrice. C'est comme une sorte d'embrasement, comme la plus forte sensation de chaleur possible, une fournaise ou une chaudière poussée à fond dans l'estomac. Mais ça peut être dans la tête ou dans le bras droit. Et c'est vraiment une chaleur absolument incroyable. Comme si cette chaleur devenait une sorte d'expérience extracorporelle, tellement elle est immense. En fait, je me suis rendu compte que ça venait avec une pique d'anxiété. Comme si on vous injectait une petite dose de réalité un peu différente et un peu plus sombre. Mais j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas réel. Je veux dire, j'aime ma vie, je suis active, je travaille, je fais plein de choses. Et ce n'est pas vrai que 10 fois par jour, je suis envahie par la noirceur, ce n'est pas qui je suis. C'est un peu comme si ces bouffées de chaleur étaient une école spirituelle pour t'obliger à vivre avec l'idée de la mort. Comme si chaque jour, on te rappelait que tu es mortel et que tu devais faire comme si de rien n'était et dire « Ah ok, d'accord, voilà la mort. » Mais en fait, il y a surtout la vie que je vis. J'ai remarqué qu'elle survenait vraiment toujours en étant associée à une émotion, donc soit positive, soit négative, mais que du coup, elle signalait ces émotions, et que ça permettait tout d'un coup de prendre conscience que j'étais émue par quelque chose m'énervait, ou que quelque chose, au contraire, m'enthousiasmait et m'émouvait. C'est comme si mon corps décuplait, en quelque sorte, mes propres émotions, et c'est pour ça que je trouve qu'il faut mettre de la valeur et du positif sur ces manifestations corporelles que vivent les femmes. So maybe it's something that could actually be Peut-être c'est quelque chose qui peut être spirituellement intéressant, comme une transe. Pas vraiment comme une hallucination. Mais bon, en tant que fille de pasteur, même si je ne suis pas pratiquante, c'est difficile pour moi de penser les choses autrement qu'à travers un prisme religieux. Et finalement, considérer tout ça comme relevant de spirituel, ça m'a aussi aidé à abandonner l'idée que ces manifestations devaient être soignées. Et en fait, je suis tombée sur une gynécologue absolument géniale. Je lui ai dit, mais comment je vais faire avec la ménopause et tout ça, parce que tout le monde m'avait dit, il faut supplémenter. Et elle m'a dit, par rapport à quoi, par exemple? Je lui ai dit, mais par exemple, les bouffées de chaleur. Alors elle m'a dit, vous êtes frileuse? Ah oui, je dis, horriblement. Elle me dit, voilà, vous serez plus frileuse. Et en fait, cette réponse, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on nous raconte que c'est forcément négatif? Et j'ai eu des bouffées de chaleur, mais j'en ai eu plein! Et en fait, il m'est arrivé, dans le cours de cette ménopause, d'être chez moi toute seule, nue sur mon lit avec la fenêtre un peu entrouverte pour avoir de l'air. Tout d'un coup, j'avais tout retiré, la chemise de nuit, tout. Et puis j'étais là, et complètement heureuse. Et je me souviens d'une fois où j'avais eu une copine à qui je raconte ça, elle me fait « C'est horrible, hein. Elle est... plus je suis seule, j'ai pas d'homme avec moi, etc. Qui c'est qui va vouloir de moi ?» Et alors moi, j'étais pas du tout là-dedans. Moi, j'étais en étoile de mer sur mon lit, en train de me dire « Mais quel kiff !» Bon, je sais que c'est ça, je l'accueille. Je sais que j'en ai pour 30 secondes, et puis ça s'en va. Ça ne m'inquiète plus. Je me suis autoproclamée un peu ma propre sorcière. Je me suis trouvé mes propres remèdes, qui ne sont absolument pas miraculeux, mais disons que j'ai commencé à prendre des huiles essentielles, prendre des décoctions de sauge. Puis j'ai fini par adorer la sauge, j'en mets dans mes plats maintenant, je le fais griller, je le fais en sauce, enfin vraiment je fais tout avec, j'en fais pousser sur mon balcon même. Je sais que c'est ça, je l'accueille, et puis ça s'en va. Je sais que j'en ai pour 30 secondes. Sam Boursier, et est-ce que les personnes trans traversent aussi la ménopause? C'est la ménopause, oui. Comme ça, donc c'est un moment, effectivement, moi je prenais de la testo, donc est-ce que c'est ça? Bon, on sait très bien aussi qu'il y a beaucoup de femmes par ailleurs qui ne passent pas par justement le cauchemar qu'on leur promet au moment de la ménopause. Sans doute, ça pourrait être intéressant que les femmes cisgenres dialoguent justement là-dessus au niveau des prises d'hormones avec les trans, parce que c'est pas du tout le même rapport, et là il y a vraiment des choses à partager en fait, à échanger. Bon, toujours de la même, pour les mêmes raisons, hein, parce que le savoir médical sur les hormones est délirant, parce que collectivement ou dans les groupes d'autosupport de prise d'hormones, etc. Donc pour les personnes trans, ben, on apprend non seulement beaucoup de choses, mais surtout on invente des pratiques, par exemple du microdosage, une manière aussi d'arrêter. Enfin, il y a tellement de mythologies autour des hormones qui sont pas simplement déconstruites, mais qui tombent d'elles-mêmes. Quand les trans commencent à aussi explorer les hormones, que effectivement, je pense qu'il faut essayer de les voir plutôt à partir de cette culture-là. Il faut se faire un autre imaginaire par rapport à ça. Il y a des véganes ou des végétariens ou des croissants ou des écologistes, enfin appelons-les comme on veut, trans aussi, et qui, ou transféministes, et qui aussi réalisent des traitements hormonaux à partir des plantes, donc de la phyto quelque chose. Il y a aussi une pratique collective des hormones, ça change tout. Je veux dire, une femme, j'imagine, qui arrive, qui voit son gynéco, qui lui dit, en gros, vous allez être moche, vous allez plus être désirable, elle réagirait pas. Imaginons que demain, il y ait des collectifs ou un atelier, comme il y en a eu, il y en a maintenant aussi, hein, comme dans les années 70, dans la grande tradition féministe, des groupes de conscience ou de groupes sur la santé. Les gens commencent à papoter ensemble des hormones, il va sortir autre chose. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher. Et l'idée que je ne pouvais plus faire ça, oui, ça m'a touchée. J'ai mis un moment à avaler cette réalité. Oui, que la possibilité n'est plus là. C'est surtout ça. Je n'aime pas réduire mes possibilités dans la vie. Même si j'avais pas envie d'avoir un autre enfant, un quatrième enfant. Mais par contre, quelque part, c'est un deuil de dire bon, mais c'est fini ça. J'ai adoré, adoré être enceinte. J'ai adoré accoucher et l'idée que je ne pouvais plus faire ça. Ça m'a touchée. C'était un moment vraiment existentiel. C'est-à-dire qu'il se passait quelque chose de très incarné. Donc, ça commence par une espèce d'affolement général. Les règles deviennent plus rapprochées, plus abondantes. Je me suis retrouvée comme à l'adolescence à être en manque de protection hygiénique et un peu de revoir, par exemple, le sang couler le long de la cuisse. C'était quelque chose que je n'avais pas vécu depuis l'adolescence. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que ça a coïncidé avec les premières règles de ma fille. Et c'est elle-même qui me l'a fait remarquer et qui me l'a dit. Et j'ai trouvé ça très, très beau. Et puis, ça m'a aidée. Elle m'a dit, mais tu vois, tu me passes le relais. Ben, quand elles sont parties, je me suis dit, ah, bon. Enfin, en même temps, comme je n'ai pas eu d'enfant, moi, la fécondité, je m'en fichais un peu, en fait. Je me dis, bon, ben, comme ça, c'est réglé. Je ne me poserai plus la question, c'est fait. En fait, ça m'a presque soulagée. Parce que d'être considérée comme un ventre, un ovaire ambulant, moi, ça m'a jamais réjoui. Je dis ça, mais en même temps, je pense que j'avais certainement un petit pincement au cœur quand c'est arrivé sur le coup, mais franchement, ça n'a pas duré longtemps. Quand vous pensez à vos années de fertilité, une fois qu'elles sont derrière vous, ce qui est mon cas, vous réalisez que c'était comme si vous pensiez que cette fertilité allait durer toujours. La ménopause aussi, c'est une étape importante, un moment où tu peux aider ta communauté et te concentrer sur le monde extérieur. Et je crois qu'au lieu de la rabaisser, la société devrait célébrer la ménopause de la même façon qu'on célèbre la maternité. Représentation commune, la ménopause, c'est une sorte de couperet fatal au-delà duquel les femmes se trouvent déconsidérées, dévalorisées et même délégitimées. On sort du groupe des femmes procréatrices, mais c'est pas à mon sens la chose la plus importante, parce que très honnêtement, quand on arrive autour de la cinquantaine, voilà, la question de l'enfantement, de la procréation, généralement, elle est réglée. La cinquantaine, c'est autre chose, c'est sortir du groupe des femmes désirantes. La femme quinquagénaire n'est plus désirable parce qu'aux yeux de la société, elle est devenue trop âgée, elle a des signes extérieurs de vieillissement qui la disqualifient et qui la font sortir du marché de la vie amoureuse et sexuelle. Ça, c'est quand on pense les femmes comme des corps de désir et des corps sexuels, bon, des corps à disposition. Mais si on renverse le point de vue, du point de vue des femmes elles-mêmes, ce qui se joue là, c'est quelque chose presque de plus grave, qui est que le déni. C'est-à-dire qu'on considère qu'une quinquagénaire, elle est en quelque sorte, n'a plus légitimité à désirer, et encore moins, par exemple, à être en couple avec un homme plus jeune qu'elle. Et ce que ça dit, très concrètement, c'est l'impossibilité même de penser, de pouvoir se penser soi-même comme sujet de désir. Et donc, d'éprouver une forme de disqualification qui est extrêmement violente, parce que, pour le coup, dans ce que les femmes de cet âge-là vivent, qu'elles soient en périménopause ou ménopausées, c'est très très loin de ces représentations, c'est presque à peu près tout l'inverse. Elle se demande sans cesse si elles sont désirables et si elles sont désirées. demande jamais si elles sont désirantes. Jamais. Alors, le sexe m'intéresse toujours, mais avant, c'était l'objet de ma réflexion et de mes pensées. Et désormais, ça prend beaucoup moins de place, et c'est bien. Du coup, j'ai plus d'espace mental pour d'autres projets et pour imaginer d'autres façons d'être proche des gens. Disons que certains actes sexuels m'intéressent beaucoup moins et que d'autres maintenant m'intéressent beaucoup plus. Mais surtout, je suis vraiment bien plus intéressée par mon travail. Bon, je suis toujours amoureuse de mon partenaire, je prends soin de lui, mais je me concentre plus sur moi et sur le reste du monde. Et je ne crois pas que le patriarcat adore cette attitude. Je pense qu'il nous préfère en femmes accommodantes, gorgées d'hormones et prêtes à la pénétration. Or, je crois que si tu veux que ta vie sexuelle continue, c'est évident pour moi qu'elle serait un peu différente. Et que ça ne serait pas forcément préliminaire pénétration. Alors peut-être que ça serait une vie sexuelle différente de ce qu'elle était, mais ce n'est pas grave et c'est aussi beau. À 50 ans, on n'a pas du tout, on est en pleine forme. Et même sur le plan sexuel, plan du désir, on sait encore mieux, on connaît mieux notre corps, on prend plus d'initiatives, on est plus alerte, on fait plus attention à son corps, on sait exactement ce qui nous fait plaisir, on prend plus d'initiatives, on est plus volontaire, on assume mieux notre désir, on n'est pas dans des rapports de domination. Je me sens en pleine maturité de mon être intérieur et je me sens beaucoup plus dans l'égalité par rapport aux hommes. Cha-cha-cha, ce qui nous fait plaisir. Aouh, aouh, on prend l'initiative. Aouh, cha-cha-cha, on est plus volontaire. Aouh, aouh, on assume mieux notre désir. C'est l'histoire de toute ma génération. Un jour, quelqu'un m'avait dit, mais ça je l'ai beaucoup raconté, comme t'es là avec tes cheveux blancs, c'est pas demain la veille que t'as un gars qui va te prendre, il va te coller contre le mur et il va te sauter. Et j'ai dit, mais j'ai pas du tout envie qu'on me fasse ça, comme ça. C'est pas du tout comme ça que j'envisage la sexualité. C'est-à-dire que mon rêve, c'est de rencontrer quelqu'un, mais évidemment, c'est le désir. Mais c'est qu'on puisse être nu, aller nager nu, qu'on puisse... Et puis que les choses se fassent avec de la douceur, même si y a de la grivoiserie, et même si enfin voilà, mais je n'ai plus du tout envie. Quand je pense aux années que j'ai passées à quatre pattes à me laisser faire parce que je croyais que c'est ce qu'il fallait faire, etc., et à me demander après, quand j'avais pas de nouvelles d'un garçon, si j'étais assez satisfaisante, je me dis mais ça c'est terminé en fait. Mais quelle délivrance! Et donc c'est pour ça que je trouve fou qu'on dise aux femmes que leur érotisme décroît. Il y a quelque chose, qui décroît, c'est qu'on veut plus s'emmerder. Mais l'érotisme, il décroît pas. Il y a. Quelque chose qui décroît. Il y a. On ne veut plus s'emmerder. Il y a. Mais l'érotisme décroît pas. Tu crois que dès que t'es ménopausée, quoi, que t'as plus de vie sexuelle, comme si ça s'écrivait là, elle est ménopausée, ça y est, elle est foutue comme davantage. C'est l'image qu'on donne à soi-même et ça joue sur l'estime de soi aussi. C'est ça la question. D'accord, c'est à ce moment-là que les hommes vous voient. C'est pas vrai. Moi, mon âge, les hommes me voient. Je ne vois pas pourquoi à 50 ans, pas moi. Elle a son copain, elle fait sexe avec lui deux fois par semaine. Elle me voit. Et moi, je n'ai pas un problème. Je suis toujours femme. Et non, je vais vous dire quelque chose. Souvent, ça arrive, c'est que quand plus on prend l'âge, les hommes, ils vous voient passer, ils vous draguent dans la rue. C'est le contraire. Et nous c'est le contraire de ce qui se passait avant. C'est le femme, le très important. Et le laisse les jeunes filles, le drague les vieilles à partir de 50 ans. On sait qu'on prend de l'âge, on se laisse pas aller. On va se faire belle, on va se maquiller. On veut être coquette pour qu'on puisse nous voir. Il y a un jeune de 30 ans, elle m'a suivi par derrière, il m'a dit, hey, j'ai tourné, je lui ai dit, oui, bonjour, je vais m'inviter pour un café. Je lui ai dit, quel âge avez-vous? Elle m'a dit, j'ai 30 ans, bientôt. Je lui ai dit, moi, j'ai 48 ans, bientôt 50 ans, tu veux me draguer? Elle m'a dit, je te jure, ça ne vous va pas. Elle m'a dit, non, ça, tu m'as plu, tout ça. Je lui ai dit, mais voilà. Pourquoi tu ne cherches pas une fille de 20 ans? Au 25 ans, elle m'a dit, non, je ne l'aime plus, cette femme-là, comme ça. J'aime bien les femmes vieilles. Je lui ai dit, ah bon? Eh bien, va chercher une vieille. Cette vieille-là, elle est occupée. Je te jure, je lui ai dit comme ça, j'ai répondu comme ça. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, au début, quand j'ai eu ma ménopause, franchement, vraiment, quand j'ai eu la ménopause, franchement, ça m'a coupé l'envie. J'avais pas envie. Mon mari est même parti voir le docteur Ménard avec moi. Et c'est Ménard qui lui a expliqué. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi. Et c'est le docteur qui lui a expliqué tout. Mais depuis ça, il a compris. Il a compris. Toi, Khadija, tu t'es ménopausée, t'as quoi? Moi, on a pas de... On a pas de la chance, ma chérie. Pourquoi moi, j'ai grandi mes enfants, j'ai battu. Maintenant, ils ont, Dieu merci, ils ont un travail, tout ça. Et je suis contente et je suis pas contente. Pourquoi? Parce que je vois mes enfants, maintenant, ils travaillent pour sa maison, pour sa voiture, pour sa femme. J'ai rien profité, c'est-à-dire, vous comprenez, c'est quoi? Il vient, qu'est-ce qu'il me ramène? Une bouteille de parfum ou un bouquet de fleurs? Non, ça m'intéresse. Non, moi, ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse mon garçon qu'il va voyager avec moi, qu'il va y aller avec moi. C'est ça le stress. Non, mais là, t'es tranquille. Ouais. Ils sont partis, voilà. Ils travaillent, ils ont l'air bon. Ouais. Ouais. Bientôt, ils vont se marier. Ouais. Tu veux quoi d'autre? Ouais, ouais. Ça n'allait pas me parler. Ça t'a énervé. Ça n'allait pas me dire quelque chose, ça m'énervait. Surtout le premier jour, tu veux parler de personne. Ne me parle pas. Parce que c'est. Non, non, là. Tu vas dire à la personne une bêtise et c'est moi, pas la enfants, peine. Je leur disais, écoutez-moi bien, je suis rentrée, asseyez-vous là et c'est tout. Vous ne bougez pas. Ne me mets pas, non, ne me mets pas, non, ne me mets pas, non, ne me mets pas en colère. En colère. Sinon je crois que je vais exploser, je vais exploser. You know what it's like? It's like inside me there's this. Vous savez à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est en moi. Comme si j'avais un moi intérieur vraiment en colère et qui demanderait à sortir. C'est un peu comme une bouffée de chaleur. Alors qu'on nous apprend que les femmes ont du mal à se faire entendre, qu'il ne faut pas qu'on parle, que nous sommes le sexe discret, le sexe le moins en colère. Et je crois que la ménopause et les bouffées de chaleur nous donnent la possibilité de laisser s'exprimer les sentiments qu'on éprouve vraiment. La vraie colère ou la vraie frustration que nous ressentons. Et l'incroyable Hulk, c'est vraiment une bonne image pour ça, car Hulk dit toujours « Ne me mets pas en colère, sinon je vais exploser. » Et en fait, c'est comme ça. Et en fait, c'est comme si pendant la ménopause, je m'étais identifiée à lui, comme si je laissais s'exprimer ma personnalité la plus puissante. Mais ça, on est en train de parler de complètement autre chose. Si vous demandez à une femme combien de fois elle a fait l'amour, par exemple, en n'ayant pas vraiment envie de le faire, combien de fois elle a fait à manger pour des gens en n'ayant pas vraiment envie de le faire, combien de fois une femme a fait semblant d'avoir les mêmes goûts qu'un homme, etc., à essayer de l'enrober, à la écouter, tout ça pour que le mec la quitte en disant qu'il ne se sentait pas prêt, etc. Toutes ces déceptions. C'est pas la ménopause, c'est juste qu'à un moment donné, ces déceptions accumulées, au moment où le corps vous met à terre, c'est un peu... la coupe est pleine, en fait. Et c'est pour ça qu'elles se mettent en colère. Il y a plein de gens qui vont vous expliquer que c'est la chimie du corps. Plein. Moi, j'ai un petit doute. Je pense que c'est simplement un âge où vous voyez tellement mieux la vie, en fait. Vous savez, vous les avez eues, les ruptures, vous les avez vues, les lâches, vous les avez vues, tout ça. Vous avez vous-même été lâche, vous savez tout ça. Et la fragilité qui vient avec la ménopause, parce que c'est une fragilité, elle fait que, à un moment donné, vous ne vous laissez plus faire, en fait. Combien de fois elle a fait l'amour en n'ayant pas envie de le faire? Combien de fois elle a fait à manger en n'ayant pas envie de le faire? Combien de fois elle a fait semblant d'avoir les mêmes goûts qu'un homme. Combien de fois elle a fait semblant d'avoir les mêmes goûts qu'un homme. Je sens moins cette distinction femme-homme. Donc je me sens un peu plus dégagée vis-à-vis de la question du féminin et du masculin. Je m'en dégage pour arriver à un être un peu plus, je sais pas, cyborg, si on peut dire ça, mais un peu plus indifférencié. Je sais pas, c'est une question d'œstrogène et de progestérone et d'hormones, mais effectivement, je trouve le juste milieu. J'aime bien la sexualité du masculin, j'aime bien la sexualité du féminin, j'aime bien jouer avec les codes. Et j'aime bien brouiller les pistes aussi. Maintenant, je suis un peu comme les garçons. Voilà. Maintenant, je suis enfin comme un homme. On va arrêter de m'emmerder, de me faire harceler dans la rue, de sentir les regards oppressants sur moi, les mains aux fesses dans le métro. C'est terminé. J'aime bien la sexualité du masculin. J'aime bien la sexualité du féminin. En avançant dans la ménopause, j'ai réalisé que je me sentais un peu moins féminine au sens traditionnel du terme. J'ai jamais été hyper féminine, j'étais plutôt de genre androgyne, tendance David Bowie. Mais quand même, c'était comme si je ne trouvais plus aucun intérêt à ressembler à une femme, comme si je voulais juste ressembler à qui j'étais vraiment. Quand la ménopause a commencé, j'ai senti devenir une sorte d'androgynie. Ça m'a donné de la puissance et j'ai adoré ça. Du coup, je me suis mise à lire beaucoup de récits de personnes transgenres écrits par les femmes ou les hommes trans pour tenter de comprendre un peu mieux mon paysage hormonal. Et j'aime beaucoup ces textes. D'une part parce qu'ils parlent des hormones d'une façon très particulière, mais aussi parce que les auteurs accueillent avec enthousiasme leur transformation hormonale. Qui vont-ils devenir? Qu'est-ce qui va se passer? À quoi va ressembler leur nouveau monde? Et c'est aussi la sensation que j'avais. C'est que je ne me sens plus traditionnellement féminine et je n'ai pas à me comporter comme une femme traditionnelle si je n'ai pas envie. Parler tout à l'heure des croisements qu'il peut y avoir entre Sam Boursier, enfin, sociologue. Les échanges intéressants qu'il peut y avoir entre les cultures trans et les cultures cis, genre, on va dire, au sujet des hormones. Mais on pourrait le voir aussi par rapport à la culture lesbienne. Les lesbiennes butch qui se rasent pas, qui s'épilent pas, ou qui ont du poil au menton, ou qui ont du enfin, bref, on a toujours dit que ben, elles étaient moches, elles étaient laides, elles étaient masculines. Et ça, dès le 19e aussi. Et aussi parce que elle fumait, elle buvait de l'alcool, non, elle crachait pas nécessairement par terre, et puis elle faisait du vélo. Comment on sort de ce bordel du genre? Et on sait quand même que beaucoup de femmes straight, en fait, cherchent un moyen d'en sortir. Donc vraiment, là, il y a des mécanismes de désidentification. De toute façon, le féminisme, c'est ça. C'est des femmes qui, à un moment donné, veulent plus être les femmes qu'on leur a dit d'être, veulent plus décliner ou produire ou la féminité qu'on leur a dit d'incarner. Là, on est parti des hormones pour arriver là, mais c'est ça la question. Moi, je suis une fille du béton, j'ai toujours été dans les grandes villes, donc la nature, je n'ai jamais vraiment très, très bien connue. Et depuis 4, 5, 6, 7 ans, là, par contre, j'ai un besoin évident d'être en contact avec la nature, de la regarder différemment, de la toucher, de la ressentir différemment, et ça me fait un bien fou. Et j'aime bien ce tournant que j'ai pris, finalement, qui est plus en harmonie avec mon propre corps, avec la nature environnante. Ça m'émerveille, ça m'émeut. J'ai un platane en face de chez moi, à chaque fois que je le vois, je suis émue. Ça a bien transformé les choses. Ça m'émerveille, ça m'émeut. J'ai un platane en face de chez moi, à chaque fois que je le vois, je suis émue, je suis émue. Je pense que aussi, c'est un âge où il faut apprendre à plus avoir de regrets sur rien. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai pas un rapport à la nostalgie. C'est hyper facile. J'ai eu une enfance de merde, donc ça fait gagner là-dessus. Mais je regrette jamais rien et j'ai pas un rapport comme ça. C'est plus un âge de négociation. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être de, au lieu de subir le changement organique, de se dire qu'on est vraiment dans une métamorphose concrète et d'en profiter pour se construire autrement, quand bien même on serait déjà bien construite, mais pour essayer autre chose. Moi, j'envisage vraiment ça comme une seconde partie de vie. Donc, j'espère qu'il va y avoir du renouvellement. C'est carrément une sorte de tapis rouge merveilleux, une sorte de brigadoune qui s'ouvre à moi. Moi, j'ai pas un rapport à la nostalgie. C'est hyper facile. Je ne regrette jamais rien. La colère, c'est ça qui t'aide tout au... C'est la colère. Bon, la colère, c'est une bonne chose, c'est mais c'est colère. Fatigant. Maison des femmes de Montreuil. C'est fatigant, mais il faut savoir la mettre à bon usage. Ok. C'est pas une bonne conclusion. Je rappelle juste que dans les années 70, il existait un groupe qui s'appelait les Panthères Grises. Et donc, étaient des femmes plus ou moins ménopausées, en tout cas, qui avaient les cheveux blancs, Panthères Grises. Et qui étaient des femmes de caractère, militantes et présentes dans tous les secteurs du féminisme. On le fait, je suis partante. Allez, vive la Panthères Grises. Voilà, je suis la plus jeune des ménopausées. Moi, j'ai eu 41 ans. Moi, c'est suite à... J'ai combattu un cancer. J'ai eu un cancer du col de l'utérus. Une fois que je me suis habituée à mon traitement, j'étais contente de me dire, enfin, je suis libérée des règles. Enfin, je suis libérée des gynécos. Me dire, j'ai eu quand même 5 enfants. Et... Aujourd'hui, par rapport à la ménopause, vous voyez, moi, quand ma famille elle a su que j'étais ménopausée et enfin divorcée et libre de contrat de mariage et tout ça, enfin, on m'a dit, merde, alors on ne peut plus te remarier. Tu ne sers à plus rien. Voilà. Et j'ai dit, si, maintenant je sers à quelque chose. Enfin, je me sers à moi-même. À moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mon corps. Il m'appartient. Je vous dois rien. J'ai senti cette, puissance en moi de me dire, aujourd'hui, je vous emmerde. Voilà, maintenant, je vais aller m'éclater. J'ai plus de contrat. Nous sommes force, serpents en mue. Nous vivons dans les flammes d'un volcan tenu. De nos glandes s'écoulent des substances érotiques, de cyprines d'amour, de liquide amniotique. Si nos lueurs ne craignent pas le son, change de nom, de genre, change donc. Toutes nos différences, tu sais, sont identiques. Éteignons l'âge d'or crevé du monde phallique. Nous oublierons la procréation, la ménopause et les fantasmes de fécondation. Nous retrouverons merci à Sam Boursier, Cécile Charlap, Chloé Delhomme, Sophie Fontanelle, Camille Froide-Vaumétry, Darcy Steinke, Élise Thiébault, Sonia, Carole, Isabelle, Maria, Zara, Khadija, Juliette, Léocadie, Asta, Gwenaëlle et Gisèle. Et merci aussi à Gwenaëlle Ferré du Centre de santé des Francs-Moisins à Saint-Denis, à Roselyne Rollier de la Maison des Femmes de Montreuil, à Flora et Marie-Christine de la Maison des Baba Yaga et à France Bleu Toulouse et France Bleu Montpellier. Et un immense merci à la chorale des Hot Bodies qui a permis à notre rêve de comédie musicale de devenir réel. Prise de son Thibaut Nassimben, mixage Philippe Mercher, Ménopause Tralala, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Annabelle Brouard. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter après la bouffée de chaleur, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler Twitter et même Instagram.